pour des raisons d'ailleurs de sécurité et d'opérabilité. Nous avons eu à un moment donné 15 otages, nous n'en avons plus. J'ai maintenu, et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, aussi, la plus grande discrétion. C'est la condition donc, de la réussite. Sur l'initiative de l'Union africaine de faire en sorte qu'il y ait une force de réaction rapide pour que les Africains contribuent à leur propre sécurité de manière performante, nous sommes tout à fait pour. Cette initiative est juste. Elle mérite d'être encouragée et nous sommes à la disposition de l'Union africaine pour travailler avec elle à la montée en puissance de ce dispositif. Il est techniquement difficile, vu l'ampleur du continent, mais il est incontournable sur le long terme. Je pense que le bon moyen d'attiser cette mobilisation et cette dynamique, c'est de faire en sorte que partout en Afrique, les responsables, quand je dis les responsables, ce ne sont pas uniquement les responsables politiques, se rendent compte qu'il faut créer cette culture de la sécurité et que tout développement ne pourra passer que par une sécurisation accrue et que cela passe aussi par une capacité de réaction rapide qui pourrait être opérationnelle et à laquelle la France peut apporter son soutien et son concours.